Rapport de l'Institut néerlandais de recherche militaire sur la chute de Srebrenica et les événements en Bosnie. Livraison d'armes et autres opérations secrètes. 2. Livraison d'armes à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, le pipeline croate. Quand le Conseil de sécurité a adopté la résolution 713 le 25 septembre 1993, il y avait sur la table un document requérant que chaque État membre cesse de fournir aux factions combattant dans les Balkans des armes et autres fournitures militaires depuis son territoire propre. C'était la première résolution du Conseil de sécurité qui déclarait un embargo, et ce, 3 mois après le déclenchement du conflit en Slovénie. À ce moment-là, diverses transactions portant sur des armes avaient déjà été découvertes. Au début de l'an 1991, le ministre de l'Intérieur bosniaque avait personnellement commencé à acquérir des Kalachnikovs et des munitions à Vienne. Le 15 août 1991, des Kalachnikovs de fabrication russe, des fusils américains M16, des grenades anti-tanks et des lance-roquettes à destination de la Yougoslavie ont été interceptés. La même chose se produisit encore en novembre. En outre, des armes qui avaient d'abord été livrées au Liban étaient revendues par ce pays qui se trouvait maintenant dans un état de calme relatif. Plusieurs lots divers ont ainsi été rachetés par la Yougoslavie. On dit aussi que le service de renseignement allemand, le Bundesnachrichtendienst, était impliqué dans des livraisons d'armes à la Croatie via la Hongrie. À cette époque, les Serbes de Bosnie avaient, disait-on, déjà reçu des armes. Le contexte du pipeline croate. Le 4 septembre 1992, la CIA a découvert un Boeing 747 d'Iran Air à l'aéroport de Zagreb. L'enquête qui a suivi a montré que le jet transportait un chargement d'armes, de munitions, de roquettes anti-tank, de matériel de communication et autres fournitures militaires, comme des casques et uniformes, le tout destiné à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine en Bosnie. Le président Tudjman en a informé le médiateur Lord Owen, comme il convenait. Apparemment, il a rejeté la thèse d'une participation de l'Iran. L'administration Bush s'est plainte à Zagreb, les armes ont été confisquées, et après cela, il a semblé que la Croatie avait mis fin au transport d'armes clandestins passant par Zagreb. Les 29 et 30 octobre 1992, le président bosniaque Izetbegovic, en visite à Téhéran, a conclu un accord selon lequel l'Iran allait tenter une nouvelle fois de fournir le matériel nécessaire en passant par Zagreb. La Turquie et l'Arabie saoudite avaient aussi offert leur assistance, mais à la condition qu'Izetbegovic se passe de l'aide de l'Iran. Ce qui n'a pas dissuadé le Bosniaque de passer un accord avec Téhéran. À en croire des membres d'un certain service de renseignement européen, Izetbegovic, dans son rôle de président, n'était pas aussi dépendant des États-Unis qu'on le pensait. C'était en tout cas l'opinion de Pauline Neville-Jones, ancienne directrice du British Joint Intelligence Committee. Une fois normalisées les relations entre l'Iran et la Croatie, en avril 1992, c'est le musulman croate Osman Muftić qui a assuré la représentation diplomatique de son pays à Téhéran. C'est l'homme qui a élaboré les détails de l'accord avec l'ambassadeur de Bosnie à Téhéran, Omer Behmen, et Hasan Senjic, l'un des confidents d'Izetbegovic. Le 1er novembre 1992, un Boeing 747 iranien a atterri à Zagreb, chargé de 60 tonnes de biens humanitaires. Quelques jours plus tard, l'ayatollah Ali Khamenei, le leader religieux iranien, faisait don de 3,3 millions de dollars à Sarajevo. Fin novembre, le ministre des Affaires étrangères iranien, Ali Akbar Velayati, s'est déplacé en visite à Zagreb pour discuter plus précisément des détails logistiques. C'était surprenant parce que, à cette période, il y avait de violents combats entre la Croatie et la Bosnie. Peut-être que Bonn a fait pression pour que Zagreb coopère. Il existait certaines relations étroites entre le Bundesnachrichtendienst allemand et les services iraniens. Par exemple, ce service allemand a, paraît-il, fourni du matériel informatique à Téhéran et formé des officiers du renseignement iranien à Munich en 1992. À la même période, diverses livraisons clandestines d'équipements militaires étaient organisées à destination de la Croatie et de la Bosnie par des organisations humanitaires catholiques croates. Elle passait par Ludwigshafen sous la direction du père Johannes et comprenait des talkie-walkie, des casques, des sacs de couchage, des uniformes et du matériel de cuisine de campagne, pour la plupart en provenance des vieux stocks de la RDA. Le 19 janvier 1993, le représentant permanent des Pays-Bas à l'OTAN, Jacobowitz, a rapporté que son collègue britannique venait d'annoncer que le Royaume-Uni faisait des démarches dans plusieurs capitales au sujet d'importantes infractions faites à l'embargo sur les armes. On disait alors que certains pays islamiques étaient en train de rassembler des millions de dollars pour fournir à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine une réelle force militaire offensive. Il fallait que les armes soient achetées avant qu'on ne décide d'avoir recours à la force pour empêcher le survol de la zone aérienne interdite. Arrivée de Clinton, les initiatives américaines pour lever l'embargo sur les armes. À l'époque de l'entrée en fonction du président Bill Clinton, le 20 janvier 1993, l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine se trouvait dans une position militaire difficile, due en partie à une recrudescence des combats entre la Croatie et la Bosnie. Mais Clinton faisait preuve d'une attitude bien plus positive que son prédécesseur Bush envers les Bosniaques. Et lors de sa campagne présidentielle, il avait argumenté en faveur d'une levée de l'embargo sur l'armement pesant sur les musulmans bosniaques. Le futur vice-président Al Gore, en particulier, était en faveur d'une politique ferme dans les Balkans et soutenait qu'il fallait armer les musulmans. D'après Madeleine Albright, qui est ultérieurement devenue la secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, il flottait une certaine frustration dans l'air pendant la campagne présidentielle au sujet de la politique de Bush envers la Bosnie. Bush ne se préoccupait pas vraiment de la Bosnie. Il avait donné la priorité aux pays du Golfe et à la Somalie, et ne se souciait pas de prévenir l'éclatement de la Yougoslavie. Pour des raisons idéologiques et politiques qui lui étaient propres, Bush s'est clairement opposé à ce que les États-Unis s'impliquent plus avant dans ce qui se passait là-bas. Un fait sur lequel la campagne Clinton n'a pas manqué de s'appuyer. Au sein de l'administration américaine sous Clinton, les opinions étaient partagées sur la question de savoir à quel point les États-Unis devaient s'impliquer dans le conflit bosniaque. Certains, dont Albright elle-même, avaient pour référence 1938 et Munich, tandis que d'autres se rappelaient plutôt le conflit vietnamien. Mais tous se rendaient bien compte que d'avoir un pied dans les Balkans fournirait aux États-Unis une bien meilleure ouverture sur le Moyen-Orient. Certains tournaient aussi leur regard vers l'Europe et demandaient pourquoi il fallait toujours que ce soit les États-Unis qui s'occupent de tout. L'administration Clinton s'est donc retournée plus souvent qu'auparavant vers l'ONU, qui s'était déclarée inquiète à propos du conflit. Albright a continué de s'opposer à la levée de l'embargo. Selon elle, une levée ne servirait à rien du tout. Cependant, la pression exercée par le Congrès et les médias pour que l'embargo soit levé ne devrait pas être sous-estimée. Anthony Lake, qui est devenu ultérieurement le conseiller à la sécurité nationale de Clinton, était lui aussi déjà en faveur d'une politique bosniaque plus musclée pendant la campagne de 1992. Son expérience en matière de politique extérieure était très vaste. En 1969, il avait fait partie de l'équipe de Kissinger, dont il avait démissionné en 1970 pour cause de divergences d'opinion au sujet de la guerre du Vietnam, et particulièrement de l'invasion du Cambodge. Ce passé influençait les idées de Lake sur la question. Il fallait absolument éviter toute intervention de troupes américaines d'infanterie sur le terrain. Parce que, disait-il, la Bosnie était un quartier encore plus rude que le Vietnam. Pour lui, c'était toujours le Vietnam qui faisait référence. Anticipez, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, ne vous engagez pas comme ça, les mains dans les poches. Dans le cadre de ses fonctions, Lake était toujours en train de jouer un rôle médiateur, lors de disputes internes sur la Bosnie, entre les différents départements, ministères et services de renseignement. On dit aussi que la relation entre Lake et Christopher était constamment tendue. Au printemps 1993, Lake a participé étroitement à la promotion de la stratégie Lift and Strike, lever et frapper, qui visait à une levée de l'embargo suivie immédiatement d'un lourd déploiement de forces aériennes. Il a discuté de cette proposition avec des membres du gouvernement canadien et expliqué que le gouvernement des États-Unis n'envisageait qu'un seul plan, lever l'embargo et fournir des armes aux Croates de Bosnie et aux musulmans avec une force aérienne pour empêcher que la Serbie n'interfère avec les livraisons. Selon Lake, la levée de l'embargo était le choix à faire pour les Américains. La formation des troupes devrait dans ce cas être accomplie par un pays tiers, surtout pas les États-Unis, mais de préférence un pays qui ne serait ni un État musulman ni un pays arabe radical. Dans l'opinion de Lake, tout pays musulman hormis l'Iran était le bienvenu s'il désirait livrer des armes à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. C'était mieux si on levait l'embargo, mais des livraisons illégales pouvaient convenir aussi. Dans les 3 à 5 mois qui suivraient, environ 30 000 soldats de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine seraient alors équipés, à commencer par des armes légères. Le renforcement continuerait à partir de là. L'Allemagne ferait pression sur les Croates pour qu'ils ne s'emparent pas d'une part trop grande des fournitures qui passerait par la Croatie à destination de la Bosnie. L'Allemagne ferait aussi pression sur Tudjman pour empêcher que les Croates n'attaquent les musulmans bosniaques. Il faudrait probablement suspendre l'aide humanitaire à cause de ces livraisons, mais elle pourrait être rétablie ensuite une fois que l'armée de Bosnie-Herzégovine aurait gagné du terrain. Lake était d'avis que l'armement supplémentaire n'allait pas signifier une prolongation du conflit. Dans le courant du printemps 1993, plusieurs influences affectaient les États-Unis. Après la guerre du Golfe, était venu le temps pour les États-Unis de s'acquitter de leurs dettes. Dans le monde arabe et en Arabie Saoudite tout spécialement, on comptait que les États-Unis allaient soutenir les musulmans de Bosnie. La forte pression exercée par les médias et le Congrès, alors majoritairement républicain, faisait pendant à cela. En juin 1993, Clinton a reçu le prince Turki Al-Faisal, directeur des services de renseignement saoudiens et conseiller très proche du roi, son oncle. Le prince a demandé à Clinton, avec insistance, de prendre la tête d'un effort militaire international d'aide à la Bosnie. Mais l'administration américaine n'a pas osé. On craignait un désaccord trop important au sein de l'ONU. Malgré tout, les États-Unis ont pris au sérieux le signal ainsi donné par l'Arabie saoudite et ils ont développé une nouvelle stratégie. Pour en être l'architecte, on a choisi Richard Holbrooke, qui a commencé par chercher un moyen d'armer les musulmans bosniaques. Dans l'été 1993, on dit que le Pentagone, le ministère de la Défense américain, avait élaboré un plan d'assistance militaire à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine qui comprenait des livraisons d'AK-47 et autres armes légères. L'opération aurait nécessité presque 300 vols de transport aérien Hercule C-130. Les armes devaient provenir d'anciens stocks de l'ex-pacte de Varsovie. Mais ce plan a été rejeté par crainte des fuites et de la désapprobation des alliés européens.